Amen. Amen. So now, again, I will go through some reportage from Israel. Maintenant, je vais aller dans quelques reportages sur Israël. Regarding this war that is coming between Israel and Iran. Concernant cette guerre qui commence entre Israël et l'Iran. But first of all, I want to repeat what I just said before we went into the short break. Alors, avant, j'aimerais répéter ce que j'ai dit avant que nous allions dans cette courte pause. Revelation chapter 19. Apocalypse chapitre 19. Verses 6 to verse 10. Les versets 6 au verset 10. Is the celebration of the wedding of the Lamb of God. C'est la célébration des noces de l'agneau de Dieu. But after that. Mais après cela. Revelation 19 verse 11 to 21. L'Apocalypse 19, les versets 11 à 21. Everything goes absolutely crazy. Toutes les choses deviennent absolument folles. Because then a war situation ensues. Parce que maintenant, une situation de guerre arrive. And so, I wanted to make it very clear to you. Et alors, j'aimerais faire ceci très clair pour vous. That this war, que cette guerre, that the Messiah comes to fight, où le Messie vient pour combattre, in Revelation chapter 19, dans Apocalypse chapitre 19, verses 11 to verse 21, les versets 11 au verset 21, this is not the current Israel-Iran nuclear war. Ça n'est pas la guerre actuelle qui est en train de venir entre Israël et l'Iran. Because in this one here, parce que dans celle-là, we see that the Lord fights. Nous voyons que le Seigneur combat. And when the Lord fights, et quand le Seigneur combat for his people, pour son peuple, the nation of Israel, la nation d'Israël, the city of Jerusalem, la cité de Jérusalem, for the kingdom of God, pour le royaume de Dieu, when he fights this war, quand il combat dans cette guerre, the beast is captured, la bête est capturée, and the false prophet, et le faux prophète, and he said the false prophet who had been performing miraculous signs, et il dit le faux prophète qui a fait beaucoup de signes miraculeux. That means he has already been doing those signs. Ça signifie qu'il a déjà fait ces signes. But right now, mais juste maintenant, the Bible says, la Bible dit, in the book of Second Thessalonians, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapter 2, le chapitre 2, and it says, et il dit, verse 7, le verset 7, for the secret power of lawlessness is already at work, que l'homme de perdition est déjà à l'œuvre. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Mais celui qui le retient va continuer à le faire jusqu'à ce qu'il ait disparu. Verse 8. Le verset 8. And then the lawless one will be revealed. Alors paraîtra l'impie. Whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. And destroy by the splendor of his coming. Écrasera par l'éclat de son avènement. And it says, the coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed. Et il a dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Displayed in all kinds of counterfeit miracles. Avec toutes sortes de miracles contrefaits, apparaîtra avec toutes sortes de miracles contrefaits. Signs and wonders, des signes et des prodiges mensongers, and every sort of evil that deceives, et avec toutes les séductions de l'iniquité, those who are perishing, pour ceux qui périssent. Listen, precious people, écoutez, précieux peuple, and it talks about the fact that they are perishing because they refuse the truth. Et il parle à propos du fait qu'ils périssent parce qu'ils refusent la vérité. Isn't this very powerful here? Est-ce que ça n'est pas puissant ici? Because parce que the title says the man of lawlessness. Le titre dit l'homme impie. This is the antichrist. C'est l'antichrist. And he says, et il dit, he will not be revealed. il ne sera pas révélé until the power that holds him back jusqu'à ce que le pouvoir qui le retient is taken out and away. Est disparu. What power holds the Antichrist today? Quel est le pouvoir qui tient l'Antichrist aujourd'hui? Today, aujourd'hui, at this time, en ce temps, he says the spirit of Antichrist, the works of Antichrist, Antichrist are already in display. Il dit que l'esprit de l'Antichrist, les œuvres de l'Antichrist ont déjà commencé. But he says, but the person of the Antichrist. Mais il dit, mais la personne de l'Antichrist will not be revealed ne sera pas révélée until jusqu'à he that holds him back que celui qui le retient is taken away from us. Soit retiré de nous. Is taken away from the earth. Soit retiré de la terre. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? Means ça signifie the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit who right now holds the Antichrist from manifesting, qui maintenant empêche l'Antichrist de se manifester, restrains him, le restreint, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, when he will be taken away, quand il sera enlevé, then the person, the man of the Antichrist, alors la personne, l'homme, de l'Antichrist. The Antichrist, depending on which part of the world you come from. L'Antichrist, peu importe de quelle part du monde il vient, will be revealed. Sera révélé. But the Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 6. Mais la Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 6, verses 12 on all the way down to 20. Le verset 12 jusqu'au verset 20. It says, il dit, you are the holy tabernacle of the Holy Spirit. Vous êtes le saint tabernacle du Saint-Esprit. And he says, et il dit, you are the holy temple of the Holy Ghost. Vous êtes le saint temple du Saint-Esprit. Whom is he talking about here? De qui est-ce qu'il parle ici? He's talking about the Holy Ghost-filled church. Il parle de l'église qui est remplie du Saint-Esprit. He's talking about the five wise virgins. Il parle à propos des cinq vierges sages that have a jar of oil qui ont une jarre d'huile. In Matthew 25, dans Matthieu 25, verses 1 to 13, les versets 1 à 13, and he's saying, et il dit, that you are the holy tabernacle, holy vessel of the Holy Spirit. Vous êtes le saint tabernacle, le saint récipient du Saint-Esprit. And that tells you, et ça vous dit, that the only time the Holy Spirit will be taken away from the earth, le seul moment où le Saint-Esprit va être pris hors de la terre, is when the church, c'est quand l'église, that is the holy vessel, qui est le saint récipient, and tabernacle, et le tabernacle, of the Holy Spirit, du Saint-Esprit, is taken away, est enlevé. But when is that? Alors, quand est-ce ce sera? That is when the church is raptured. Ça, c'est quand l'église est enlevée. The church that is raptured. L'église qui est enlevée. That is the church that contains, that's the vessel. Ça, c'est l'église qui le contient, c'est le récipient. That is worthy enough to contain the Holy Spirit. Qui est assez digne de contenir le Saint-Esprit. But I'm so blessed. Mais je suis tellement béni. That even in 2 Thessalonians chapter 2. Que même dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. He is describing here verse 8. Il décrit ici au verset 8. And then the lawless one will be revealed. Et ensuite l'homme impie va être révélé. Whom the Lord Jesus. Que le Seigneur Jésus. Will overthrow. Va vaincre. With the breath of his mouth. Avec le souffle de sa bouche. And destroy. Et détruire. By the splendor of his coming. Par la splendeur de sa venue. And he says. Et il dit. The lawless one. L'impie. His coming will be in accordance with the works of Satan the devil. Sa venue va être en accord avec les œuvres de Satan, le diable. In all kinds of counterfeit miracles. Avec toutes sortes de miracles contrefaits. Signs and wonders. Signes et merveilles. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Lord is saying here. Le Seigneur dit ici. That the beast. Que la bête. The beast will not be revealed. Que la bête ne sera pas révélée. Until the church, the vessel of the Holy Spirit. Jusqu'à ce que l'Église, le récipient du Saint-Esprit. Will have been raptured. Soit enlevé. And that's why. Et c'est pourquoi. In Revelation chapter 19. Dans l'Apocalypse chapitre 19. Verses 6 to verse 10. Les versets 6 à 10. The celebration. La célébration. Of the wedding feast of the Lamb. Du festin de l'agneau. Of the marriage supper of the Lamb. Du festin de noces de l'agneau. But verse 10 ends and then verse 11. Et verset 10, d'ici le verset 11. Describes. Décrit. The events post-tribulation. Les événements qui se passent après la tribulation. So in this chat. Alors dans ce chat. The prophetic timeline of God. Le calendrier prophétique de Dieu that has been displayed here today. Qui a été déployé ici aujourd'hui. The part that's written today, now. Le texte qui est écrit aujourd'hui, maintenant. That's where we are today. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nothing has happened yet. Rien n'est arrivé maintenant. The Israel-Iran war has not taken place yet. La guerre entre Israël et l'Iran n'a pas encore pris place. The rapture has not taken place yet. L'enlèvement n'a pas encore pris place maintenant. The tribulation has not occurred yet. Et la tribulation n'a pas commencé maintenant. Listen to this. Écoutez ceci. Where we are. Où nous sommes. I drew a vertical line. Je tire une ligne verticale. And on the right hand side of the vertical line. Et sur le côté droit de la ligne verticale. I wrote tribulation. J'ai écrit la tribulation. And that encompasses the 3.5 years of tribulation. Et ceci englobe les 3 ans et demi de tribulation. And the 3.5 years of the great tribulation. Et les 3 ans et demi de grande tribulation. And then I have also marked. Et ensuite, j'ai aussi marqué that the Israel-Iran war, que la guerre entre Israël et Iran, which is Russia plus her allies, qui est la Russie plus les alliés, they attack Israel. Ils attaquent Israël. I'm going to read quite a bit of newspapers here today for you. Je veux lire un peu les journaux avec vous, pour vous. And you see, et vous voyez that this attack, que cette attaque, the two missiles that are striking Iran, les deux missiles qui ont frappé l'Iran, they must be nuclear missiles. Ils doivent être des missiles nucléaires. And when the Lord showed me this, et quand le Seigneur m'a montré ceci, I very well understood the gravity of that. J'ai très bien compris la gravité de cela. That if there are nuclear missiles, que s'il y a des missiles nucléaires, that strike the nuclear facility in Iran, ça frappe les facilités nucléaires en Iran. Then, ensuite, the retribution. La rétribution. First of all, plus tard. That means that war will spread across many nations. Ça signifie que cette guerre concerne beaucoup de nations. But the retribution. Mais la rétribution. The backfire. Le feu en retour. The hit back. Les frappes en retour. Will come on Israel also. Vont arriver sur Israël aussi. And it seems that many nations will form alliance. Et ça semble que beaucoup de nations vont former une alliance. And then, et ensuite, out of that war, en dehors de cette guerre, Israel will be compelled. Israël va être contrainte. To seek for peace. À chercher la paix. To accept a peace deal. D'accepter un traité de paix. A peace treaty. Un traité de paix. And that peace treaty, et ce traité de paix, the Bible says will be 7 years. La Bible le dit, va être de 7 ans. 7 years of peace treaty. Un traité de paix de 7 ans. But it will be false peace treaty. Mais ça va être un faux traité de paix. Because the confederacy, the alliance, parce que les confédérations sont menteurs. Of all the civil authorities. Pour toutes les autorités de séduction. Of all powers. Pour tous les pouvoirs. All governments. Tous les gouvernements. That will still be against the Lord. Qui vont encore être contre le Seigneur. Will be still against the Lord. Vont être encore contre le Seigneur. In fact, en fait, their resolve to be against the Lord and God's people, la résolution pour être contre le Seigneur et le peuple de Dieu, will be further strengthened, va être fortifiée à l'avance, by the works of the false prophet, par les œuvres du faux prophète, whom you see now by counterfeit miracles, signs and wonders, que nous voyons contrefaire des signes, des miracles et des prodiges. He will now convince them. Il va maintenant les convaincre. That's why it's written here. C'est pourquoi il traite ici. In Revelation chapter 19 verse 20. Dans Révélation chapitre 19 verset 20. But the beast was captured. Mais la bête a été prise. And with him the false prophet. Et avec elle le faux prophète, who had performed the miraculous signs, faisait des signes miraculeux on his behalf. En son nom, with these signs, avec ces signes, he deluded, il a séduit, those who had received the mark of the beast, ceux qui ont reçu la marque de la bête, and worshipped his image, et ont adoré son image. So the kings and the confederacy, alors les rois et les confédérations, the alliance, sont des menteurs, that you see described here, que vous voyez décrit ici, when he says verse 19, quand il dit au verset 19, then I saw the beast and the kings of the earth, alors j'ai vu la bête et les rois de la terre, and their armies gathered together, et les armées se sont rassemblés, to make war against the rider of the horse, pour faire la guerre contre celui qui est assis sur le cheval, and his army, et son armée. These are the kings that believe through delusion, they believe the false miracles, the false signs and wonders of the false prophet. Ça, ce sont les rois qui croient, parce qu'ils ont été trompés, les faux miracles, les faux signes et merveilles et prodiges du faux prophète. Alléluia. Alléluia. And so you see, et alors vous voyez, that this war in Revelation chapter 19, verse 11 to 21, que cette guerre dans l'Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 21, this war happens post-tribulation. Cette guerre se passe après la tribulation. But the Lord God Almighty, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, we bless the Lord, nous bénissons le Seigneur, the Lord God Almighty, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, he has spoken with me, il a parlé avec moi, and shown me, et m'a montré, the church being taken, l'église être enlevée, and sent me, et il m'a envoyé, to prepare the church, pour préparer l'église, in righteousness, dans la justice, and holiness, et la sainteté, to stop corruption, d'arrêter la corruption, to stop immorality, d'arrêter l'immoralité, to stop evil, d'arrêter le mal, that she may enter, pour qu'elle puisse entrer. I have also seen, j'ai aussi vu, the rapture of the dead, l'enlèvement des morts. So that can only tell you, ça peut seulement vous dire, that the rapture of the church, que l'enlèvement de l'église, will take place, va prendre place, that the elect of God, que les élus de Dieu, will not see tribulation, ne verront pas la tribulation. Why? Pourquoi? Because they are not meant to be devoured, ne sont pas destinés à être dévorés. The Lord will not allow, le Seigneur ne va pas permettre, the beast to devour his elect church, à la bête de dévorer son église élue. Because, parce que, they go into the wedding feast of the Lamb, ils vont au festin de noces de l'agneau. Otherwise, the wedding feast of the Lamb will be empty. Autrement, le festin de noces de l'agneau va être vide. The church has to be seated at that table. L'église doit s'asseoir à cette table. The bride of Christ. L'épouse de Christ. And you see the tremendous celebration. Et vous voyez la très grande célébration. That throbs the expanse of heaven. Qui fait vibrer l'étendue des cieux. When the church is seated. Quand l'église est assise. In finest linen. Avec du fin lin. Bright and clean. Brillant et pur. Lino finissimo. Lino finissimo. Puro y limpio. Puro y limpio. Finest linen. du lin le plus fin, pure and clean, pur et propre. Meaning there's no highest level. Et ce qui signifie qu'il n'y a pas de niveau plus haut. I want us to take a short break. Je désire que nous prenions une petite pause. But when we come back, mais quand nous revenons, I will still explore with you. Je vais encore explorer avec vous. What else will happen within the timeline of God? Qu'est-ce qui va encore arriver dans le calendrier de Dieu? What is the Gog Magog war? Quelle est la guerre de Gog et Magog? That Ezekiel celebrates in Ezekiel 38 and 39. Qu'Ézéchiel célèbre dans Ézéchiel 38 et 39. How is it related to the war that we see coming to take place in the next few months between Israel and Iran? Comment est-ce que c'est relaté dans la guerre qui va prendre place dans les mois suivants entre Israël et Iran? The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And then I'll read the newspapers. Et ensuite, je lis les journaux. And then I'll cover the significance of Iran. Et ensuite, je vais couvrir la signification de l'Iran. Asia. La Perse. In biblical history. Dans l'histoire biblique. Significance in biblical prophecy. La signification d'une prophétie biblique. Of the end time. Des derniers temps. Shalom.